de vin sur la hache, ça s'en va pas les panneaux. Et je me sens épanoui avec un salaire utile. Toi tu veux ressembler à Savastano, moi je veux ressembler à Salah Haddin. Sarrazin, je ne parle qu'une fois. Tu comprends pas, bah je te frappe plus fort. T'as raison d'avoir peur, je connais un rayon pour la douleur. Je peux même dire que je possède le magasin. On m'a parlé d'une voix, j'ai ça n'est venu hier, on m'a parlé d'une autre. Là j'ai perdu le nord, il faut faire des sous, donc on fait du sale pour acheter du neuf. Hein, enfant du désert, tu enfant du désert, tu au fond du désert et j'affronte mes désirs. La broque me fait chier, j'ai fléché l'OPJ. À base de silence et d'insulter mes chers. Au soleil gazé, bouteille de gazouz, on s'arrose le gosier. La salle est blanche comme la corne de gazelle. Les yeux sont fermés sous la paire de Kazan. Je travaille le gazon, mon corps à Marseille, ma tête au Brésil, mon cœur à Gaza. Elle veut se casser, mais on la connaît donc elle peut se casser. On peut s'en passer. Un tas de rebuffs font les maths, mais ils vont finir au sol. Et je commence à creuser leur tombe, ils la finiront seul. Bang bang, je suis dans le block boy. 11h11, je fais mon job boy. Ah, je te sers ta drogue boy. Ah, ah, je sors le block boy. On prend des grosses peines, sous terre. Cramé dans des grosses caisses, monster. Tu mets que des grosses terres, hostile. Vous mettez un imposteur, Sarrazin. Tous les matins postés, passés. Tous les ghettos français, cartel. On s'est réveillé tous à l'heure pour les toxeux, pour les dolceux. Faut les tolls pour mes Sarrazins. Ramène la tolle pour mon Sarrazin. La plus bonne des points pour mon Sarrazin. Je repars un album pour mes Sarrazins. Sarrazin, Sarrazin, Sarrazin. Ramène la tolle pour mon Sarrazin. La plus bonne des points pour mon Sarrazin. Je repars un album pour mes Sarrazins. Sarrazin, Sarrazin, Sarrazin. Ah, écoute, repêcher le désert, moi je suis bien trop fier. Je suis bien trop fort, toi t'es bien trop faible. On dit victoire, je te prendrai bien trop fait. Je suis dans le bloc pour ma daronne, j'y vais bien trop vite. J'ai fait plein de profits, je peux pas trop me fier aux autres. Le game, je me l'approprie. Ça reçoit les peines, ça résonne au palais. Frappe conservée dans les solos pour le parloir. Sarrazin te ken, si jamais t'as parlé. Prends le SRV puis le brûlis pour la balade. Balance, va ta comme salmon. Si tu veux faire des sous, il faut les faire salement. Ben ouais, c'est salement. Je suis dans le bed au MC, je fais péter du hustle.